Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salat wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. أخذنا في درسنا الأول من هذا الكتاب النافع القواعد المتلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وفي الدرس الأول أخذنا المقدمة، وذكر الإمام العثيمين رحمه الله في المقدمة أن الدعاء على قسمين. عندما تفضل دعاء المسألة ودعاء العبادة، فما هي دعاء المسألة؟ عندما تفضل دعاء المسألة إن تعبد الله بأسماء وصفاته، مثلا يا رحمن ارحمني، أن تعبد الله عندما من يصحح تدعو الله. نعم، أن تدعو الله، تسأل الله، لأن العبادة سعة. عبادة سابت الصلاة، سابت الدعاء، سابت الذبح، سابت الحج. دعاء المسألة سؤال، أي تطلب من الله إن شوز زد وتقدم بين هذا السؤال ماذا؟ تذكر ماذا؟ باسم الله، اسم من أسماء الله عز وجل، أو أسماء كثيرة، يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. هذا هو دعاء المسألة، أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى إلى آخره. المهم أن الدعاء هنا سبي ماذا؟ سبي باللسان، سبيل اللسان، تطلب، تو دوموند. الثاني من أقسام الدعاء عندما أبخي دعاء المسألة، تفضل. ما هو أولا؟ أذكره دعاء العبادة. نعم، أن تعبد الله وتتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، تفضل. بمعنى ماذا؟ أحسن، تتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه التواب. Tu te repens. Pourquoi? Parce que Allah c'est التواب. من أسمائه التواب. Ça veut dire qu'il accepte le repentir. Donc ça te pousse à te repentir. C'est ça دعاء العبادة. فما من عبادة c'est un دعاء في الحقيقة كما تقدم. ثم il a conclu cette مقدمة en montrant brièvement رحمه الله أن هذا العلم له منزلة عظيمة، أي علم الأسماء والصفات. On en avait parlé ولله الحمد ensemble dans le premier درس. قال رحمه الله الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. On a cité dans le premier درس أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a écrit ce livre. Et quand on dit il a écrit ce livre, c'est pas des audios qui ont été retranscrits ce livre. Léana Shirun Uthaymin, rahimahullah, beaucoup de ces livres qui sont propagés l'un, comme Sharh Kitab Tawhid ou Sharh Al-Wasitiyya, tous ces livres, à la base, c'est des audios, des durus, des cours qu'il a fait, rahimahullah. Thumma, ces cours, ils ont été recopiés et préparés pour être propagés en livre. Et il a écrit certains livres, rahimahullah, de ses propres mains. Et parmi ces livres, Al-Qawa'id Al-Mutla. Enfin, ce livre, il fait partie des livres que Cheikh Ibn Uthaymin il a écrit lui-même. Mais la plupart de ces livres qui sont propagés, c'est des audios à la base. Et ils ont été recopiés, retranscrits et propagés. فتقدم معنا وندي dans le premier درس أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a écrit ce livre et il l'a classé en quatre catégories. La première des قواعد في أسماء الله تعالى, des règles sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sept règles. très simple résumé. Thumma, le deuxième fasl, il a cité, rahimahullah, sept règles. Et as-sifat, cette règle concernant les attributs d'Allah, Azza wa Jal. Ça fait 14. Thumma, le troisième fasl, quatre règles sur les noms et les attributs. Et quatre règles qui englobent les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Ça concerne les deux. Thumma, le quatrième fasl, il a montré l'égarement et il a répliqué à ceux qui se sont égarés fi hadha al-bab al-azim. Et fi al-asma'i wa al-sifat. Wa khassatan le groupe des Asha'ira. Ils se sont égarés fi hadha al-bab, harrafu, ils ont déformé beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a répondu à certaines de leurs shubuhat. Walillahi alhamd. On commence اليوم avec le premier fasl. قال رحمه الله الفصل الأول قواعد في أسماء الله تعالى. القواعد c'est le pluriel de قاعدة. والقاعدة هي معنى كلي يندرج تحته أمور كثيرة. C'est une قاعدة. Traduit par une règle. القاعدة c'est un معنى ou une معنى plutôt كلي كلية. C'est cette règle elle va englober beaucoup de choses. Ma'na kulli yandarij tahta umur kathira. Sous cette règle, beaucoup de choses. Cette règle, elle va englober beaucoup de choses. Et ça, ça nous montre l'importance de connaître les règles fil ilm. L'ilm s'est fondé sur le hifd, sur la mémorisation, et s'est fondé sur al-fahm, la compréhension. Et pour comprendre, pour te faciliter à comprendre et à mémoriser, al-qawa'id, les règles. Il y en a, tu ne peux pas tout mémoriser. Matalan fi bab as-sifat, tu ne peux pas tout apprendre. Tous les moutons, tous les livres. Là, apprends les livres. Al-kutub allati ta'tani bil-qawa'id. Tu peux apprendre matalan ces règles, ou alors bi-ikhtisar. Tu peux apprendre l'aqid al-wasitiyya ou l'iqtisad. Mouhim, un livre où il y a des règles, des bases. Et tu verras que la plupart des masas et la plupart des sujets que tu traiteras dans le domaine de l'aqida, ces points rentreront sous une règle que tu vas mémoriser. Kadhalik, tu ne peux pas tout comprendre. Khasatan au départ. Si tu comprends la règle, tu verras que les autres sujets ils rentreront sous cette règle. Et tu comprendras. Si tu as compris la règle, tu comprendras le reste. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité sept règles concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu t'apercevras que même une mas'ala, n'importe quel point, sujet sur les noms d'Allah azza wa jal, en général, ça rentrera sous une de ces règles. وهكذا القواعد في النحو comme on a expliqué souvent. وهكذا القواعد في الصرف, القواعد في التوحيد, القواعد في الفقه. Très très important. مثلاً إنما الأعمال والنيات. On cite souvent cet exemple. C'est une qaïda. C'est une qaïda. La plupart des sujets du din, tous les sujets du din, ils rentrent sous cette qaïda. لابد من نية. Celui qui a une mauvaise intention, il ne sera pas récompensé. Celui qui a une bonne intention, il espérera la récompense, bien sûr, s'il remplit les autres conditions. فمعرفة القواعد c'est ça العلم. C'est pour ça que طلبة العلم qui ont étudié عند العلماء, ils donnent beaucoup d'importance à ces règles, que ce soit في العقيدة ou autre. لماذا لأن on répète, c'est ça العلم. القاعدة, le savant, مثلا, dans notre livre, شرم العذيمين, هنا, beaucoup de sujets, beaucoup de livres, beaucoup de مسائل, il les a résumés et il les a écrits retranscrite sous forme de règles très simples. On a cité ensemble dans Al-Muqaddimah anna hadhihi al-qawa'id que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a rassemblé dans ce livre. C'est en fait un mulakhas tayyib de le livre de l'imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Bada'i' al-Fawa'id. Il a cité beaucoup de règles et beaucoup de sujets concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Ibn Uthaymeen, il te les a résumés. Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, il a résumé lui-même certains points. Ala kulli hal, si tu veux avancer, akhil karim fil ilm, fa'tani bil qawa'id. que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans l'aqida, ça te sera très très utile dans la langue arabe. Amma étudier sans règles et sans mémorisation et lire un peu huna, thumma lire un peu un autre livre un autre jour, assister à un cours aujourd'hui, thumma assister à un autre cours dans un mois, ila akhiri, sans donner du temps et de l'importance aux règles, aux qawa'id, aux bases, fala shakanna, cet étudiant, même s'il étudie longtemps, et même s'il fait des efforts, il n'avancera pas comme un étudiant qui fait des efforts ou ya'tani bil qawa'id. Il aura des bases solides pour comprendre et pour avancer, incha'Allah ta'ala. Et on a répété ensemble, walillahi alhamd, souvent, ce point très très important. Qala rahimahullah, al-qa'idatul oula. Donc la première règle concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Ça c'est une règle. Fama min ism min asma'illahi subhanahu wa ta'ala est obligatoirement, il fera partie de al-asma' al-husna. Ma min ism. Si un ism, il englobe une siva naqisa, un attribut ou qui a un manque, une imperfection, une faiblesse, i'lam annahu, ça peut pas, ce ism ne peut pas faire partie de l'asma al-husna. Donc tu vas conclure automatiquement annahu, ça peut pas être un nom d'Allah azza wa jal abadan. Limadha? Li'anna les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont tous parfaits. Il y a aucun manquement, aucune faiblesse, aucune imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ar-rabb subhanahu. Il est kamil fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi asma'ihi azza wa jalla. Qala asma'ullah ta'ala kulluha husna. Ay balighatu fil husn ghayatah. Un autre ta'bir plus simple, ay kamila. Ay, c'est des noms parfaits. Il y a aucune imperfection, aucun manquement. La naqs wa la dha'f. Bal, c'est des noms qui englobent des attributs parfaits, comme il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Qala Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna wa dhalik. Cette partie de la jumla est importante. Limadha? Li'anna, c'est une explication à qawluhu balighatun fil husn ghayatah. Balighatun fil husn ghayatah, ay dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune imperfection, c'est des noms parfaits. لماذا قال وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des noms parfaits. لماذا? لأن chaque nom يتضمن un وصف, une صفة, أي un attribut. Et cet attribut, il est parfait. قال لأنها, أي أسماء الله عز وجل متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Il n'y a aucune imperfection. بوجه من الوجوه. Dans aucun cas, tu trouveras une faiblesse ou un manque dans un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un attribut d'Allah عز وجل. لاحتمالا ولا تقديرا. Que ça soit dans le lafz ou dans le ma'na. Que ça soit dans le lafz, il ne peut pas avoir un manque, une imperfection. Famathalan, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité dans son charh plusieurs noms. Al-Murid, Al-Mutakallim. Ces noms, Mathalan Al-Mutakallim, la shakan Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatu al-kalam. Lakin, ism Al-Mutakallim, on n'a pas de dalil. أن من أسماء الله عز وجل أنه المتكلم. لا, c'est un خبر, un وصف. نعم, أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. أما en tant que اسم, لا. Pourquoi? لأن المتكلم il peut parler بحق أو بباطل, بخير أو بشر. Vu qu'il y a cet احتمال, ça fait pas partie des noms d'Allah سبحانه وتعالى. Les noms d'Allah سبحانه وتعالى, ils sont parfaits et il n'y a pas de نقص. L'ahtimala ou la taqdiran, la vil lafz ou la vil mana. C'est des noms parfaits. Limadha? Li'annahum, ils englobent un attribut parfait. Et on essaye de pas trop s'étaler. Li'anna kathir min al-masa'il on les verra ensemble dans ce livre, dans d'autres qawa'id, et d'autres points qu'on détaillera pas huna, on les étudiera ensemble, bi'idhnillahi azza wa jal, dans d'autres livres. Notre but, par l'étude, avec l'étude de ce livre, c'est la simplicité. C'est de comprendre le qaïda. Ne pas faire l'erreur que certains y font en lisant, ou en étudiant, ou en enseignant, en propageant ce livre, de vouloir trop détailler. Citer beaucoup de kalam de savants, beaucoup d'exemples, à la fin, ça finit par se compliquer. Ce n'est pas la bonne méthodologie. On est au début de cette série de cours, fi al asma wa sifat wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq wa as-sadat. Daiman, au départ, habituez-vous à laisser les choses simples, l'essentiel, tu comprends le qaïda. Anna linu d'Allah subhanahu wa ta'ala kulluha husna. Ça veut dire quoi husna? Ça veut dire que ce ism, il englobe forcément un attribut. Cet attribut, il est parfait. C'est ça. Qawluhu azza wa jalla wa lillahi al-asma'ul husna. Allah, il a les noms parfaits. Et avec l'amthila, ça sera plus clair. Qala mithalu dhalik. Et ça, c'est min husn at-ta'lif. Quand vous lisez kalam ahl al-ilm, vous profitez bien sûr des fawa'id que le savant y cite de son explication. Et kadalik, la façon de faire. Fata'ammalu, il a cité une qa'ida très simple. Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Ça, c'est la règle. Tous les noms d'Allah, ils sont parfaits. Summa, une explication brève. Pourquoi ils sont parfaits? Les anna, chaque nom, il renferme un attribut. Cet attribut, il est parfait. Si l'attribut est parfait, forcément, le nom, il est parfait. Summa, après avoir cité cette explication, un mithal. Les nahiyanan, on lit un kalam, et peut-être qu'on pense avoir compris alors qu'on n'a pas compris. Si on demande un exemple, peut-être que l'exemple, il ne sera pas bon. Cheikh Ibn Uthaymin, il est à citer l'exemple pour que tu mettes en pratique toi-même et tu vérifies, est-ce que tu as compris? Bah, hada satayyib. Comprendre la règle. Ou plutôt connaître la règle. Awwalan, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. C'est la règle. Thumma, une explication. Pourquoi? C'est asma. Ils sont parfaits. Les ma'ala, les annahum, ils renferment un attribut parfait. Thumma, tu cites un mithal. Et tu révises hakada, ce livre. Amma, les choses qu'on peut citer en d'autres exemples ou d'autres fawa'id, Inch'Allah, ça viendra. L'essentiel, c'est que tu révises hakada, la qa'ida, le sens, un exemple. Et tamshi, si tu as compris les sept règles dans les noms, les sept règles dans les attributs, les quatre règles dans les noms et les attributs, avec cette tariqa, avec cette méthodologie, falhamdulillah, tu seras à la khayr. قال مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى يأتي معنا إن شاء الله تعالى une règle, une autre règle très très importante qu'on peut citer هنا brèvement, أن هذا الاسم, on saura s'il fait partie des noms d'Allah سبحانه وتعالى أم لا avec un دليل. فلا بد أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية توقيفية. Et il a besoin d'un nom, un délil, d'un Coran ou d'un Sunna. Un tel nom, c'est un nom d'Allah. Si un nom, si un délil, forcément, c'est un nom parfait. Falhay, maintenant, on a un délil. Ayat al-Kursi. Al-Hay, al-Qayyum. Fahad al-Ism, al-Hay, c'est un ism min asma illah. Pourquoi? Parce qu'on a un délil, bien sûr. Qala mutadhamminun lil-hayat al-kamila, allati lam tusbaq bi'adam, wa la yalhaquha zawal. Ce ism, al-hay, le vivant, lâchez que ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une vie. Sifat ou al-hayat. Cette sifat, cet attribut, il est parfait. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il a cité, pour montrer la perfection de cet attribut, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, lam tusbaq bi'adam. Allah, il a toujours été vivant. Il a jamais été, azza wa jal, précédé par l'inexistence, par le néant. Il a toujours existé, il a toujours été vivant, subhan. Qala, wala yalhaquha zawal. Zawal, c'est la disparition. Al-fana. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-awwal et c'est al-akhir. Il a toujours été vivant et il sera toujours vivant, subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous montre que l'attribut, il est parfait. Cette vie, elle est parfaite. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Hay. Donc Al-Hay, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Husna. C'est un nom parfait d'Allah Azza wa Jal. قال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. Cette vie, elle est parfaite كذلك. لماذا؟ لأن cette vie, ça va impliquer d'autres صفات. Si Allah عز وجل il est vivant, فلا شك أنه il a du علم. Et là, chaque année où il a de la coudra, il est capable. Et là, chaque année où il entend, il voit, il a akhira. Ça nous montre un attribut. Si tu as compris un attribut, tu pourras comprendre d'autres attributs. Et on verra une règle, inshallah, fi hada. Ou dans l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Qala mithalun akhar. Al-alim. Limadha al-alim? C'est un ism. من الأسماء الحسنى bien sûr parce qu'on a un délit et on verra une règle في هذا إن شاء الله لكن par rapport à notre درس تفضل أخي لما دخل في هذا الاسم صفة كاملة ما هي العلم لأنه يتضمن صفة العلم العليم c'est un اسم parmi les noms d'Allah عز وجل ويتضمن صفة العلم الله il est عليم pourquoi parce qu'il a du علم. Et al-ilm, c'est une sifa kamila. Pourquoi c'est une sifa kamila fi haqq Allah azza wa jal? عند من? Faddal? La tisdaq bijah. Wala. Wala al-razi la yansa. Ahsan, l'an Allah azza wa jal la yansa. La yajhal shay'an ya'lam kulla shay'. Y'a rien qui lui échappe, subhanahu wa ta'ala. فهذا العلم في حق الله سان اتريبي بارفيت دونك سنو العليم كي انغلوب سيت اتريبي بارفيت سي ان نون بارفيت سي من الاسماء الحسنى اي بيان سور اون ان دليل على هذا قال مثال اخر العليم اسم من اسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان دونك سو علم سيت سيونس الا با ايتي بريسيدي بار لignorance بيان سور Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout, il a toujours tout su, subhanahu wa ta'ala. Wala yalhaqun nisyan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie jamais. Ça vous montre les deux exemples. Anna al-insan, l'être humain, il peut avoir cet attribut, la vie, ou al-ilm, la science, ou d'autres attributs. Maintenant, chaque être humain vivant, il a l'attribut de la vie. Lakin, est-ce que c'est une vie parfaite, là? C'est Allah qui a créé cet être humain, donc il n'existait pas avant. Cet être humain, il connaîtra la mort. Kadhalik, cette vie, elle est basée sur la tristesse, sur la faiblesse, sur les problèmes. Il a créé beaucoup d'imperfections, beaucoup de faiblesses. Kadhalik, même une insane où il a du ilm. Certains, ils ont un peu d'ilm, certains, ils ont beaucoup d'ilm, il a créé. Lakin, l'être humain, il oublie. Beaucoup de choses, il ignore. Beaucoup de choses, il se trompe. Ça nous montre. Et kadhalik, ça viendra avec nous à ne pas croire comme ils ont cru Ahlul Dhalal, on a vu que l'être humain il a cette sifa. Si on dit qu'Allah il a sifatu al-hayat ou l'ilm ou les mains ou le visage, ça veut dire que c'est une ressemblance aux créatures. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala il a cette sifa. Matalan al-hayat ou l'ilm ou al-yadan ou al-wajh ila akhri, c'est des sifat parfaites fi haqqillah. L'être humain s'il a cet attribut, voilà, chacun a un attribut d'être humain, avec tout ce que ça comporte comme faiblesse, imperfection, il a akhir. Qala Allah Ta'ala, ilmuha inda Rabbi fi kitab, la yadhillu Rabbi wa la yansa. Al-shahid, la yadhillu Rabbi wa la yansa. Ay, Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yansa. Ilmuha inda Rabbi, ça montre que min sifat Allah Azza wa Jal, al-ilm. قال العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه شيخ ابن عثيمين رحمه الله ديتاي قليلا ما يتعلق بالعلم pour montrer la perfection de ce علم الله سبحانه وتعالى c'est العليم parmi ses noms العليم donc ce nom forcément il englobe un attribut. C'est un attribut parfait, al-ilm. Ce ilm, Cheikh Ibn Uthaymeen, huna, il le décrit qalilan, an Allah subhanahu wa ta'ala, y'alam kulla shay, jumlatan wa tafsila. Aïe, tout. les grandes choses, les petites choses, les choses que tu vois, que tu ne vois pas, les choses que tu entends, que tu n'entends pas, les choses du passé, du futur, du présent. Jumlatan wa tafsila. Et il n'y a rien qui sort min hada al-ilm. Allah, il sait tout. Qala, ma yata'allaq bi af'alihi wa af'al khalqi. Que ce soit les actes d'Allah lui-même, subhanahu, ou les œuvres de ses créatures. Allah, il y'allam kulla shay. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Que ce soit ma في البر أو البحر sur terre أو dans l'océan. ثم هذا المثال العظيم وما تسقط من ورقة ما من ورقة تسقط في هذا الكون في الأرض أي n'importe quelle feuille qui tombe de n'importe quel arbre, à n'importe quel moment, n'importe quel endroit, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam. Et ça nous montre l'importance de hadhihi ad-dirasa. On répète l'étude de al-asma wa sifat, c'est pas une étude fil haqiqa comme les autres ulum. Là, c'est une étude des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala fil haqiqa, ça doit changer notre vie. Il y en a celui qui est ala yaqin, qui a la certitude, qui est convaincu أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء فلا شك ça va le pousser à avoir peur, à craindre Allah سبحانه وتعالى. Il y en a بعض الناس, vous avez remarqué qu'en public ils ont un comportement et quand ils sont seuls ils ont un comportement. هذا qu'est-ce que ça montre? Ça montre أنهم ils ont un خلل في هذا الباب. أما في الحقيقة que tu sois en public ou que tu sois tout seul, Allah il voit, il t'entend et connaît ta situation et tu auras des comptes à rendre. Donc في الحقيقة ça ne change rien. لكن pour celui qui est à la yaqin et كذلك من وفقه الله سبحانه وتعالى. Et on a tous des faiblesses dans ce bab, لكن le but c'est d'étudier et de s'améliorer et demander à Allah سبحانه وتعالى اي من فضله في هذا الباب. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعم نفس المعنى نفس الاستدلال. الله سبحانه وتعالى يسيت تو. وما من دابة في الأرض, الدابة هنا سانغلوب كل ما يمشي فوق الأرض, سواء الدواب أي les animaux, المواشي, كذلك les êtres humains, كذلك الجن. الله سبحانه وتعالى il connaît la situation de chacun, de chaque bête, de chaque être humain, de chaque djinn, de chaque malek, de chaque ange, de toutes ces créatures, subhanahu. Hatta fil ayat al-ukhra, même si c'est une chose qui n'a pas d'âme, qui n'est pas vivante. Matalan qala azza wa jalla wala ratbin wala yabisin. Ar-rab c'est quelque chose de mou, de tendre. Al-yabis c'est quelque chose de sec. Matalan l'être humain, les animaux et la akhirah. Il ne faut pas partir de Aliyabis. Maintenant, certains arbres, certaines pierres, ils font partie de Hadan Noa. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit Rat ou Aliyabis, ya'lamo. Il n'y a aucune différence pour lui, Azza wa Jal. Qala, et ya'lamo ma fi samawati wal ard, wa ya'lamo ma tusirrun, wa ma tu'linun, wallahu alimum bidhati sudur. Assir wal jahr, عند Allah, c'est ça, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. La nuit et le jour, c'est la même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal, wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Assir, c'est ce qu'on cache, et wa ma tu'linun, c'est ce qu'on fait apparaître. Matalan, ce qu'on pense et ce qu'on dit à voix haute, fa'inda Allah, c'est la même chose. Allah ya'lamu. Qala wallahu alimun bidhati sudur. Aïe, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il y a dans les cœurs, dans les poitrines. قال ومثال ثالث, troisième exemple. Donc le premier exemple, al-hayy, qui englobe sifatul hayat. Le deuxième exemple, al-alim, qui englobe sifatul ilm. Le troisième exemple, ar-rahman. قال اسم من اسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. نعم صفة Ar-Rahma. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim, Azza wa Jal. Et ce isme, cet exemple qu'il a cité, Ar-Rahman, ça englobe Sifatu Ar-Rahma, ay, la miséricorde. قال ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Avec ces trois أسماء الحي والعليم والرحمن الحقيقة si tu viens à rechercher كلام أهل العلم قبل ذلك des adillah, des preuves sur ces trois noms, thumma kalam ahl al-ilm, l'explication des salaf, l'explication des savants contemporains, fa satastafid ilman kathira, et ça va te changer la vie. Et si tu sais que Allah c'est Rahman et rahmatuhu wasi'at kull shay, fa tu seras pas comme certains qui désespèrent même si tu as fait ce que tu as fait, ben ça te poussera à rechercher, à obtenir cette rahmah en demandant pardon, en faisant tauba, en t'améliorant. Amma, désespéré tant que tu es vivant. Al-Haqiqa, celui qui désespère, il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tu désespères quand tu n'as plus d'issue. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, an-nabab al-tauba il est maftouh. Tant que la fin des temps n'est pas proche, et le soleil il ne se lève pas min al-maghrib, et kadalik avant la mort. Avant l'agonie, plus précisément. Enfin, alhamdoulilah, l'insan, il est encore vivant, et c'est pas encore la fin des temps, donc, bab tawba, il est ouvert, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est arhamur rahimin. Enfin, connaître ces noms, al-haqiqa, ça te changera la vie, akhil kari. Ça te rendra plus fort dans ton din. Al-dha'f l'an, qui est propagé fil umma, inda kathir min al-muslimin, c'est pas une faiblesse comme on a répété souvent ensemble par rapport au nombre, ou physiquement, ou intellectuellement, abadan, les musulmans, walillahi alhamd, ils sont aussi intelligents que les autres, ils sont aussi nombreux que les autres. Physiquement, ils sont comme les autres. Là, al-dhaf, il est par rapport à hal al-bab, rien d'autre. Tout le reste, ça suit. Amma al-quwa, la force dans ces masa'il, khasatan bab al-asma wa sifat, là, chacun, ça donnera une umma qawiyya. Et on a un exemple. Fi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum. Ils étaient qawiyya bi hadha al-bab. C'était atqan nas. C'était a'lamun nas. Billahi azza wa jal. Fa Allah subhanahu wa ta'ala waffaqahum. Et ils craignaient personne. Illa Allah azza wa jal. Qala wal husn. Bi dhammi l-ha. Ne pas lire al-hasan هنا والحسن في اسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه الى غيره فيحصل بجمع الاسم الى الاخر كمال فوق كمال. Ça c'est une faïda عظيمه. En si tu as un nom, bien sûr tu vas déduire beaucoup de choses. En ce nom, il renferme forcément un attribut parfait, et de cet attribut parfait tu vas retirer beaucoup de choses. Maintenant, on a cité l'exemple l'un avec Ar-Rahman, qui englobe Sifat Ar-Rahma. Et si tu as la conviction que Allah c'est Rahim et il fait miséricorde, ça va pousser Mada, te pousser à Mada, à ne pas désespérer et à rechercher cette miséricorde et à faire des efforts. Il a akhir. Lakin, quand un ism il est cité avec un autre ism, ça va te donner encore plus de leçons, plus de fawa et plus de ma'an. Qala rahimahullah. مثال ذلك العزيز الحكيم وهذا كثيرا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى على fin de beaucoup de versets في القرآن الكريم عز وجل il cite plusieurs noms, deux noms مثلا dans ce verset العزيز الحكيم السميع البصير. Tu as beaucoup d'exemples في هذا. قال شيخ ابن عثيمين فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرًا. صحيح, c'est deux ismes, Al-Aziz et Al-Hakim. Et en fait, ce passage, celui qui le comprend, ça va lui ouvrir abwab kathir, khasatan fi tadabburihi li al-Qur'an al-Azim. Il y en a beaucoup de versets. Même une safha, et tu trouves un, plusieurs versets ou un verset, la fin c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta'ammal hadhi al-fa'ida. Ça nous montre qu'on doit faire des efforts pour l'ilm, hatta ça ne devient pas notre lecture du Coran ou autre, une habitude, une coutume, un automatisme. On lit et on ne sait pas pourquoi ce nom il a été cité. فتأمل هذا المثال قال مثال ذلك العزيز الحكيم فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دلا على الكمال الخاص الذي يقتضي شكل العزيز seul et الحكيم seul tu vas comprendre exactement comme les exemples précédents الحي et العليم et الرحمة أي Ism al-Aziz, il englobe sifatu al-Izza. Et Ism al-Hakim, il englobe sifatu al-Hukm, ou al-Hikma. Lakin, huna, une faïda, il va rajouter, en les citant les deux, il y a un autre point. Qala rahimahullah, wa huwa al-Izzatu fi al-Aziz, wa al-Hukm, wa al-Hikma, fi al-Hakim. Wa al-Jam'a baynahuma dallun ala kamal akhar. Donc, al-Aziz, seul, il y a un kamal. Il y a une perfection et dans ce ism ça, ça fait partie des noms parfaits limada les annahu al-aziz ça englobe sifatu al-izza al-izza est traduit par la puissance et la puissance d'Allah azza wa jalla elle est parfaite donc tu as compris هذا avec ce ism et كذلك al-hakim que ce soit sifat al-hikma ou al-hukm c'est des attributs parfaits donc al-hakim c'est un nom parfait lakin huna tu vas rajouter une perfection. Tu vas ajouter à la perfection qui est citée dans chacun des noms, les ma'adhal et annahum, ils sont rassemblés. Qala rahimahullah, qala wal jam'a baynahuma dallun ala kamalin akhar, wa huwa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikma. Izzatullah subhanahu wa ta'ala maqrunatun bil hikma. Limadha li anna izzatun bila, ou li anna izzatun bila hikma, ça peut pousser à l'injustice. Wallah subhanahu wa ta'ala la yadlim ahad. Donc, izzatuhu subhanahu wa ta'ala huna maqruna bil hikma. Ça te montre que la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est liée كذلك à la sagesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est puissant et il est capable de tout, lakin il est injuste envers personne. Ba'd an-nas ils ont shay min al-izza. خاصةً ceux qui ont un rang élevé في المجتمع ils ont شيء من العزة بإذن الله عز وجل ils peuvent faire certaines choses et ils sont injustes ils profitent de leur force ou de leur statut et ils sont injustes envers beaucoup de personnes الله سبحانه وتعالى c'est العزيز et c'est الحكيم بعض الناس ils ont de la hikma ils ont de la hikma لكن ils n'ont pas de عزة ils ne peuvent pas appliquer ils ne peuvent pas changer les choses أما الله سبحانه وتعالى إلى ليد عزة avec حكمة حكم سبحانه قال وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل طبعا نسخة يمنك لواو تقتضي ظلما وجورا et après j'ai directement سوء فعل il manque الواو si dans votre نسخة vous avez الواو فطيب الظلم والجور ça se ressemble c'est l'injustice سوء الفعل c'est des mauvaises actions كما قد يكون من أعزاء المخلوقين فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف c'est pour ça que العبد même s'il a cet attribut العزة bien sûr avec des imperfections des faiblesses des manquements il a akhiré ربما cette izza cette force cette puissance ce statut il le pousse à être injuste قال وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فانهما يعتريهما الذل صحيح ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتاملوا cet exemple deux noms parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a une munasaba t'estafid min hadha anna quand tu lis al-Qur'an akhi al-Karim et que tu as un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset awwalan ce nom qui est cité à la fin du verset il y a une munasaba azima الشيخ سعدي يعتني بهذا، الإمام ابن كثير يعتني بهذا، الإمام ابن القيم يعتني أكثر ربما. العلماء يعتنون بهذا. Pourquoi à la fin de ce verset tu prends le mushaf et tu ouvres, tu te poses la question pourquoi à la fin de ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a cité ce nom, pourquoi il n'a pas cité un autre nom? Tu verras qu'il y a une munasaba azima. Deuxième chose, ahyanan tu as deux noms. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a cité Al-Aziz ou Al-Hakim? Pourquoi il n'a pas dit Al-Aziz ou Al-Rahim? Tu verras qu'il y a une munasaba azima. Et c'est ça l'ilm. Et c'est ça qui aide à augmenter sa foi et à comprendre Al-Qur'an Al-Karim. هذه القاعدة elle est très simple. On la résume أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ils sont tous parfaits. S'il y a une imperfection, c'est que c'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça implique une imperfection, c'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'ayez aucun doute. Et s'il y a une imperfection, il n'y aura pas de délit. S'il y a un délit, il y a une preuve du Coran et de la Sunna, bien sûr, un délit authentique, forcément, c'est un nom parfait. Si tu n'as pas compris, ou tu n'arrives pas à saisir pourquoi il est parfait, la faiblesse, elle vient de toi. Enfin, tu fais des recherches et tu reviens à Ahlul Ilm et tu comprendras, Inch'Allah. Fa asma'ullah kulluha husna. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, husna? Ce nom, il englobe forcément un attribut. Falabud, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils englobent un attribut. Labud, un attribut parfait. Cet attribut, il est parfait, donc le nom, il est parfait. Mathalan, al-hay, ou al-rahman, sifatul rahma. Et cette rahma, elle est parfaite. Contrairement, et c'est la règle numéro 2 qu'on verra ensemble, Inch'Allah ta'ala, dans le prochain cours. Et on peut la lire. Bi'tizar, Asma'ullah ta'ala, a'lamun wa awsaf. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des noms et ils englobent un attribut. C'est ça la deuxième règle. Vous avez remarqué le lien avec la première. Mathalan, al-aziz. Automatiquement, il y a un attribut. Sifatul izza. Mathalan, al-qadir. Sifatul al-qudra. Allah il est capable de tout. Wahakada n'importe quel ism. Al-Qayyum, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Rahim, Allah, il a akhira. Contrairement au makhlouq, à l'être humain. Mathalan, tu trouves بعض الناس, il s'appelle min asma'ihim Karimun. Beaucoup de muslims, ils s'appellent Karim. Et ce nom, il englobe un attribut, Al-Karam, la générosité. Tu peux le trouver, il s'appelle Karim, mais il est bakhil. Il n'a pas de karam, il n'est pas généreux. Ou Mahmoud, et af'aluhu madhmouma. Wahakada, beaucoup d'exemples. Amma fi haqqillahi azza wa jalla, le nom, il correspond à l'attribut. Et l'attribut, il est parfait. Et même un ism, il englobe un attribut. Wahada, wallahu ta'ala a'lam. Fa révisez le qa'ida. Et révisez le sens, il est très simple, et comprenez les exemples, et Inch'Allah ta'ala, avec les règles suivantes, vous comprendrez encore plus. Ces règles, elles sont liées. Kathir minha. Maintenant, la deuxième règle, vous verrez que c'est un approfondissement de la première. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des noms. Maintenant, Ar-Rahim, forcément, ça englobe un attribut parfait. Ar-Rahman. C'est ça la deuxième règle, et vous verrez que les règles, elles sont liées les unes les autres. Naktafi bihada. Cheikh Al-Uthaymeen, il a un charh jamil ala hadhihi al-qawa'id. Il a écrit le livre Kama taqaddam et il a expliqué kadhalik. Lakin son explication, c'est des audios. Et ils ont été retranscrits, walillahi alhamd, en forme de livre. Fal insan yastavid min charh Cheikh Al-Uthaymeen. Et à notre époque, la plupart des savants, ils expliquent al-kitab. Et en général, en audio, tu trouveras beaucoup de savants de la sunna, ils ont expliqué al-kitab. Et tu peux facilement retrouver les audios. Enfin, l'insan, yastafid min ulama is-sunnah.